Section 11 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Simona Rousseau. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 3. La papauté, l'Allemagne et l'Italie. Frédéric Barberousse, de 1125 à 1190. Première partie. L'Allemagne, l'empereur Lothair, les Hohenstaufen. Par Charles Bayet, la seconde partie des luttes. Après une courte trêve, 1123-1157, la lutte du sacerdoce et de l'Empire devait bientôt reprendre sous une forme nouvelle et dans d'autres conditions. La papauté allait voir se dresser contre elle le plus puissant des empereurs allemands du Moyen-Âge. L'activité, l'intelligence de Frédéric Barberousse ne suffiront pas cependant à faire triompher le pouvoir impérial. L'étendue même de ses ambitions compromettra son succès. Tandis que le pape et l'empereur se disputent la souveraineté du monde chrétien, à côté d'eux se développent d'autres forces, d'autres puissances, dont l'histoire présente un intérêt aussi vif et souvent plus réel. L'Allemagne féodale et urbaine se constitue telle à peu près qu'elle se maintiendra jusqu'au temps moderne, avec l'enchevêtrement de ses principautés et de ses seigneuries, avec ses villes industrieuses, fières de leurs privilèges. L'Italie, de son côté, devient la terre des grandes républiques municipales, où la vie politique bouillonne, éclatant sans cesse en querelles et en brusques émeutes, mais surexcitant dans toute leur énergie l'activité humaine et le sentiment de la personnalité. Elles grandissent par le travail, disséminent leur comptoir dans tous les pays, leurs vaisseaux sur tous les mers, depuis l'Angleterre jusqu'à l'Extrême-Orient. Elles conquièrent le monde par le commerce, plus sûrement que les croisés par les armées. Lothair lutte contre les Hohenstaufen. Lorsque Henri V mourut sans laisser de fils, une grande diète se réunit à Mayence, août 1125. Plusieurs princes puissants pouvaient songer à la couronne. De tous, le plus ambitieux était Frédéric de Hohenstaufen. Tout jeune encore, à 35 ans, il était chef de la maison de Waiblingen, duc de Suabe. Actif, audacieux, neveu de Henri V par sa mère Agnès, il avait pour frère Conrad, duc de Franconie. D'autre part, il avait épousé Judith, la fille du duc de Bavière, Henri le Noir, de la famille des Welfs, qui avait lutté contre les empereurs précédents et dont les riches domaines s'étendaient le long des Alpes, en Saxe et en Italie. En face de ce jeune homme avide de pouvoir, Lothaire du Supplimbourg, duc de Saxe, margrave de Misine et de Lusace, était un vieillard. Mais il s'appuyait sur la région de la Germanie la plus homogène, la plus énergiquement attachée à son autonomie. L'attitude altière de Frédéric inquiéta les princes, l'archevêque de Mayence, Adalbert, les décida à choisir Lothaire. D'après le témoignage discuté, il est vrai, d'un contemporain, Lothaire, élu grâce à l'Église, aurait reconnu ce bienfait par les concessions suivantes. Que l'Église ait la liberté qu'elle a toujours désirée, qu'elle ait la libre élection dans les choses spirituelles, sans subir la pression de la crainte royale ou, comme auparavant, de la présence du roi. Que l'empereur ait le droit d'investir solennellement, des régals, par le sceptre celui qui aura été élu librement, consacré canoniquement. Toutefois, dans la pratique, Lothair ne négligea pas d'exercer les droits que le concordat de Worms reconnaissait au roi. Les Hohenstaufen, déçus dans leurs ambitions, sont les ennemis naturels de Lothair. À peine roi, il les attaque directement lorsque, à la diète de Ratisbonne, 1125, il demande au prince si les biens confisqués sur les proscrits doivent être considérés comme biens de l'État ou propriété du roi. L'Assemblée les déclare biens de l'État, donc inaliénables. Or, Frédéric avait hérité de Henri V des domaines dont elle était l'origine. Luther, d'ailleurs, songe déjà à une expédition contre les Hohenstaufen. Fort de l'alliance de la papauté, il les fait excommunier par Honorius II. 1125. Il s'assure des alliances. En Bohême, où la succession ducale est disputée, s'il est vaincu et ne peut établir le candidat de son choix, Sobieslav, à qui reste la victoire, lui prête hommage et lui jure fidélité. En 1127, le fils et successeur de Henri de Bavière, Henri le Superbe, épouse Gertrude, la fille de Lothaire. Welf contre Weilingen, Guelf et Jubelin, ainsi éclate cette rivalité de famille qui, en changeant plusieurs fois de caractère, se mêlera pendant plusieurs siècles à l'histoire politique de l'Allemagne et de l'Italie, et même aux discordes intestines des villes. Dès cette année, la guerre commence. Lothaire échoue au siège de Nuremberg. À cette attaque, Frédéric et Conrad répondent par un coup d'audace. Aux fêtes de Noël, Lothaire apprend que Conrad vient de se proclamer roi. Dès 1128, Conrad passait les Alpes. Il était accueilli par les Milanais en dissentiment avec la pape. L'archevêque lui donnait l'onction royale à Monza. Cependant, il ne réussit pas à s'établir solidement en Italie et dut plus tard l'abandonner. En Allemagne, Lothaire triomphait. Il enlevait au Hohenstaufenspire en 1129, Nuremberg en 1130. En 1134, il ravageait terriblement la Souabe. Incapable de lutter plus longtemps, Frédéric vint faire sa soumission à Fulda, octobre 1134. L'anti-roi Conrad fut bientôt de même. À tous deux, Lothaire laissa leurs aveux et leurs fiefs, et à la diète de Bamberg, mars 1135, il put proclamer une paix générale pour toute l'Allemagne. L'Allemagne est le voisin de l'Est. Lothaire est assez puissant pour travailler à rétablir l'autorité de l'Allemagne sur les peuples voisins. En Danemark, les rois qui se disputent le pouvoir, Éric, Magnus, tour à tour se reconnaissent ses vassaux. Magnus va jusqu'à promettre que ses successeurs ne pourront devenir rois sans l'autorisation de l'empereur. En 1134, en Hongrie, le roi Béla II lui demande secours contre son rival Boris et contre le duc de Pologne, Boleslav, en 1134. Ce dernier jure fidélité à Lothaire, s'engage à lui payer tribut et à tenir de lui la Poméranie en fief. À la cour de Lothaire, à côté des princes slaves ou de leurs envoyés, on voit les ambassadeurs de la cour de Constantinople et de Venise. Comme Charlemagne, comme les Eutos, Lothaire veut assurer par le christianisme le maintien de l'influence allemande. Avec son approbation, en 1128, Otto de Bamberg retourne en Poméranie, où le paganisme avait repris des forces et compromettait les conquêtes du christianisme. Dans le Brandenburg, le prince von Pribislav se convertit. Le margrave de la Marche du Nord, Albert Lurs, par ses victoires et son influence, contribuait activement à l'œuvre des missionnaires. Pribislav s'allie à lui et, n'ayant point d'enfant, lui promet son héritage. Ainsi commence la grandeur de la maison ascanienne de Brandenburg. Magdebourg, sous l'épiscopat de Norbert, élu en 1126, redevient le centre des missions vers l'Est, vers les pays slaves. Norbert voudrait que les nouveaux évêchés, fondés en Pologne et en Poméranie, dépendent du métropolitain de Magdebourg. Le pape, dont il est auprès du roi l'auxiliaire fidèle et influent, le lui accorde en 1133. L'église de Pologne perdait ainsi son indépendance. L'archevêque de Gnessa cessait d'en être métropolitain. Du côté du nord, le pape rétablissait les droits de l'archevêché de Brême sur les églises de Scandinavie et notamment sur l'évêché de Londres. Ce furent, il est vrai, des mesures sans résultat. L'évêque du Land continua à être métropolitain de Scandinavie. Celui de Gnessa après la mort de Norbert, obtint de nouveau en 1135 ses anciens privilèges, du moins l'ordre des prémontrés que Norbert avait fondé avant de devenir archevêque, contribua à la conversion des Slaves. D'autre part, de Brême partit Wisselin pour évangéliser les Wagriens et les Obotrites, chez qui le christianisme avait encore fait peu de progrès. En 1134, d'après ses conseils, Lothaire élève sur les bords de la Trave la forteresse de Siegberg, destinée à dominer cette région et à protéger le monastère construit tout auprès. Le schisme d'Innocent II et Anaclet II. En Italie, la papauté, au lendemain de son triomphe, courait de nouveaux périls. Honorius II, successeur de Calixte II, 1124, n'a pas l'autorité de son prédécesseur, élu par les Frangipani. Il a contre lui la puissante famille de Pierre Leoni. Les factions féodales, toujours prêtes coup de main aux émeutes, recommencent à troubler Rome. Au sud se forme un autre danger. Les Normands, qui ont prêté à la papauté une alliance toujours intéressée, souvent périlleuse, fondent un état formidable dont le voisinage est une menace. Après la mort de Robert Guiscard, en 1085, l'héritage de la Calabre et de la Pouille avait été disputé par ses deux fils, Roger Borsa et Bohémond. Roger Borsa l'avait emporté. Bohémond était allé chercher fortune en Terre Sainte. À Roger avait succédé son fils Guillaume en 1111. Quand celui-ci disparut sans enfant, en 1127, Roger II, le fils de l'héritier du conquérant de la Sicile, de Roger Ier, réunit sous son pouvoir tous les domaines normands, actifs, habiles, prêts à se servir des événements au profit de ses ambitions, décidés à asservir la noblesse pour fortifier son autorité. Dès son avènement, il se dispense de demander l'investiture pontificale. Honorius l'excommunie, forme contre lui une ligue des princes du Midi, revendique la Pouille et leur Calabre. Mais l'entreprise échoue. Il est obligé de céder et de renouveler à Roger l'investiture de ses provinces, en 1128. À la mort d'Honorius II, en février 1130, les compétitions sont ardentes. Tandis qu'une partie des cardinaux élit à la hâte Innocent II, qui s'appuie sur les Frangipani et les Corsi, d'autres lui opposent le cardinal Pierre, de la famille de Pierre Leoni, qui prend le nom d'Anaclet II. Innocent II doit s'enfuir à Pise. Son rival reste maître de la Rome. Tous deux demandent l'appui de Lothaire. Un homme qui fut pendant toute une partie de ce siècle l'âme du monde chrétien, Saint Bernard, devint l'arbitre de leur querelle. Né en 1091 en Bourgogne, il était entré à 22 ans dans ce couvent de Citeaux dont l'abbé, Étienne Harding, avait fait un centre de réforme monastique. En 1115, il devient l'abbé du monastère cistercien de Clairvaux. C'est un ascète et un mystique, mais chez qui l'activité pratique se concilie avec l'esprit contemplatif. Il se mêle à la société temporelle et parcourt le monde pour y défendre la cause de l'Église et de la papauté, de la réforme du clergé, de la guerre sainte. Partout où il prêche, son ardente éloquence entraîne les princes comme le peuple, les arrache à leur passion, à leurs querelles, à leurs préoccupations mesquines. Au synode des Temples, chargé par le roi de France Louis VI et les évêques de décider entre Innocent II et Anaclet, Saint Bernard se prononce en faveur du premier et son exemple entraîne presque toute l'Église de France, sauf l'Aquitaine, en 1130. Innocent réfugié en France y préside le concile de Clermont. La même année, 1130, en Allemagne, le synode de Wurzburg se déclare aussi pour lui. Bientôt, il a avec Lothaire, à Liège, une entrevue qui atteste la concorde de la papauté et de l'Empire, en mars-avril 1131. Au concile de Reims, il couronne le nouveau roi de France, Louis VII. L'Angleterre, la Castille, l'Aragon le reconnaissent à leur tour. Anaclet n'a d'autre allié que Roger de Sicile, auquel il accorde en 1130 le titre de roi. Encore Roger est-il bientôt vaincu par une insurrection de seigneurs de la Pouille, en 1132. Lothaire en Italie. Telle était la situation lorsque, à la fin de 1132, Lothaire avec une faible armée descendit en Italie. Assez mal accueilli en Lombardie, il doit recourir à la force pour entrer à Vérone et ne peut venir à bout de la petite ville de Crème. Plus au sud, Reggio, Bologne lui ferme leurs portes. Enfin, en avril 1133, accompagné d'Innocent II, il entre à Rome, s'établit dans le palais impérial de l'Aventin, tandis qu'Anaclet occupe la cité Léonine et le château Saint-Ange. Aussi ne peut-il entrer couronné empereur au mois de juin qu'au Latran, non à Saint-Pierre. D'après Otto de Freisingen, Innocent II fit plus tard exécuter une peinture qui le représentait ainsi sur le trône, tandis que Lothaire incliné recevait de ses mains la couronne. Au-dessus, on lisait cette légende. Le roi vient devant les portes, jurant d'abord de respecter les privilèges de la ville, puis il devient l'homme du pape qui lui donne la couronne. Rex venit ante fores, jurans prius urbis honores, post homo fit pape, sumit quod ante coronam. Cette orgueilleuse interprétation de la cérémonie du couronnement de Lothaire ne paraît guère justifiée. Innocent II reconnaissait tous les droits accordés à l'empereur par le concordat de Worms. Au sujet des biens de la comtesse Mathilde, un accord était conclu qui laissait à l'empereur la libre disposition de ceux qui étaient fiefs d'empire. Quant aux biens à l'odieux, il devait en avoir la jouissance moyennant une redevance annuelle de 100 livres. Après sa mort, il reviendrait à Saint-Pierre. En 1137, le pape les accorda aux mêmes conditions au gendre du roi, Henri de Bavière. Lothaire franchit de nouveau les Alpes au mois de septembre 1136. Innocent II n'était pas encore délivré d'Anaclet. Et en outre la cour de Constantinople, Venise faisait appel à l'empereur contre Roger de Sicile. Le roi normand, actif, intelligent, avait travaillé à constituer un royaume homogène, soumis à un pouvoir énergique. Il avait contrôlé les seigneurs et les villes du sud de l'Italie qui supportaient impatiemment cette domination sicilienne et qui s'appuyaient sur l'alliance de Pise, Gênes et Venise. De tous ses adversaires, un des plus redoutables était Saint-Bernard, qui les poursuivait comme le partisan du pape schismatique, et qui prêchait contre lui, dans le nord et le centre de l'Italie, une véritable croisade. Les Milanais, enthousiasmés par sa parole, ne voulaient pas le laisser partir, prétendant malgré lui en faire leur archevêque. À l'égard de Lothaire, bien de villes lombardes conservèrent leurs attitudes indépendantes, malgré la forte armée qui cette fois l'escortait. Mais quand il pénétra avec le pape dans l'Italie du Sud, il fut partout victorieux et enleva rapidement les villes qui tentaient une résistance, comme Bari et Salerne. L'Empire prenait sa revanche des faits qu'Otto II avait jadis subis dans ces pays. Pourtant, lorsqu'il s'agit d'organiser la conquête, l'empereur et le pape faillirent se brouiller. Le pape considérait la Pouille et la Calabre comme fiefs de Saint-Pierre. Il fallut trouver une solution mixte quand le nouveau duc de Pouille, Rainulf, reçut la bannière ducale, empereur et pape la lui remirent, en la tenant chacun par un bout. Dans l'intérêt de la concorde entre le sacerdoce et l'empire, il était temps que les deux alliés se séparassent. Pressé de regagner l'Allemagne, le vieil empereur n'essaya pas de rétablir Innocent II à Rome, qu'occupait Anaclet. Il mourut au retour dans une bourgade du Tyrol le 4 décembre 1137. Derrière lui, Roger, avide de vengeance, rentrait dans la Pouille et la Calabre, y déchaînant ses hordes sarrasines. « C'est à bon droit, dit un écrivain de ce temps, que nous appelons Lothaire père de la patrie, car il la défendit vaillamment, et il fut toujours prêt à exposer sa vie pour la justice. Sous son règne, le peuple ne trembla pas. Chacun jouissait en effet généreusement et pacifiquement de ses biens. Son nom est moins connu que celui de bien d'autres empereurs. Or, dans l'histoire d'Allemagne, au Moyen-Âge, peu de règnes furent aussi heureux que le sien. Il avait su forcer à l'obéissance la puissante famille qui lui disputait le pouvoir, soumettre les princes à son autorité, rétablir la concorde, faire respecter l'Allemagne de ses voisins. Pieux, protecteur sincère des églises et de la papauté, il n'avait rien abandonné du concordat de Worms. Même il avait songé à rétablir en matière d'élection ecclésiastique les droits qu'exerçait autrefois l'empereur. Avènement de Hohenstaufen, Conrad III. À la mort de Lothaire, il n'y avait point dans l'empire de France qui égalait en puissance son genre. Le chef de la maison des Welfs, Henri le Superbe, duc de Bavière. Lothaire, qu'il n'avait point de fils et qui voyait en lui son successeur, s'était attaché à accroître ses domaines, à lui assurer la puissance territoriale nécessaire pour exercer énergiquement l'autorité impériale. En Allemagne, Henri le Superbe joignait donc à la Bavière, la Souabe et la Saxe. En Italie, il avait les fiefs de l'héritage de Mathilde, comme le margraviat de Toscane, et d'après l'accord conclu avec le pape en 1137, la jouissance viagère des biens à l'odieux qui en faisait partie. Il se vantait, dit Otto de Freisingen, d'étendre son autorité d'une mer à l'autre, de la mer du Nord à la Méditerranée. Une telle puissance, au service d'une ambition ardente et active, effraya tout à la fois les princes laïcs et les évêques, tandis que le margrave de la Marche du Nord, Albert l'Ours, lui disputait l'héritage de la Saxe. Ceux des princes allemands qui lui étaient opposés se réunissent à Coblenz, mars 1138, et lisent Conrad de Hohenstaufen, celui-là même qui, sous le règne précédent, avait disputé la couronne à Lothaire. Ainsi s'engageait directement cette fois la lutte entre Welfs et Waiblingen. Pour briser la puissance de Henri le Superbe, Conrad lui enlève la Saxe et l'attribue à Albert l'Ours. Le vaillant margrave, qui, depuis bien des années déjà, travaillait avec tant d'énergie à se rendre maître des régions du Nord, devait être pour les Welfs un terrible adversaire. Une nouvelle sentence royale dépouille Henri de la Bavière, que Conrad donne à son demi-frère, le margrave d'Autriche Léopold, de la maison de Babenberg. Henri le Superbe n'entend pas céder. En 1139, il chasse Albert l'Ours de la Saxe, mais subitement, dans la force de l'âge, à 35 ans, il est emporté par la fièvre, en octobre 1139, et laisse à un enfant de 10 ans, celui qu'on devait appeler Henri le Lion, son dangereux héritage. La lutte continua. Puis, en 1142, à Francfort, un traité fut signé. Les seigneurs saxons se soumirent au roi, qui reconnut le jeune Henri pour duc de Saxe. La veuve de Henri le Superbe, Gertrude, épousa un frère de Conrad, le margrave Henri Jasemirgoth, qui, l'année suivante, fut investi de la Bavière. Néanmoins, la paix ne se rétablissait pas en Allemagne. Les partisans de Welfs ne désarmaient pas complètement. De toutes parts éclataient des guerres entre les grandes maisons seigneuriales. Roger de Sicile, le roi de Hongrie, se ménageait des alliés parmi les princes allemands afin d'entretenir la discorde en Germanie, en Provence, en Bourgogne. Conrad était sans autorité. Malgré tant de difficultés antérieures, Conrad avait cependant des projets d'expédition au dehors. Il avait conclu avec la cour de Constantinople un traité d'alliance contre Roger de Sicile, 1142. Plus tard, l'empereur Manuel Comnène épousa sa belle-sœur, Berthe de Schulzbach, en 1146. Entraîné par Saint Bernard, il prit la croix à Spire, à la Noël de 1146. Prince et seigneur limite. Les guerres civiles s'apaisent. À Francfort, mars 1147, on proclame une paix générale. Au mois de mai, après avoir fait couronner roi son fils Henri, âgé de 10 ans, Conrad part, traînant avec lui une multitude d'aventuriers, pauvres et riches, même des femmes armées de pied en cap. On y trouvait, avoue un chroniqueur, beaucoup de gens que la misère, les dettes, le désir de faire oublier quelques crimes, poussaient hors du pays. Ce fut la seconde croisade. On ne sait comment elle échoua. En Allemagne même, beaucoup de seigneurs, surtout des Saxons, peu soucieux d'aller à Jérusalem, avaient, approuvés par Saint Bernard, organisé une croisade contre les Vandes. De ce côté, les démêlés d'Albert l'Ours et Henri le Superbe avaient compromis le progrès de l'influence allemande. Le comte Adolphe de Holstein avait cependant repris la lutte contre les Slaves, conquis la Vagrie, reconstruit Lübeck, favorisé les missions chrétiennes, appelé les colons de Flandre, de Hollande, de Westphalie, leur promettant une terre riche en fruits, en troupeaux, en pâturages. Une multitude innombrable répondit à cet appel. Helmont. Il avait noué les relations amicales avec Niclot, prince des Obotrites. La croisade faillit ruiner son œuvre en provoquant un retour offensif des Vandes. Ils détruisirent le nouveau Lübeck et ravagèrent les établissements des colons allemands. L'expédition entreprise contre eux ne dura que quelques semaines. La conversion du duc de Poméranie, Ratibor, en fut le seul résultat sérieux. Adolphe put reconquérir son influence en Vagrie, mais ces événements profitèrent surtout à Henri le Lion, qui consolida son autorité en Saxe et conquit le pays de Dithmarse en 1148. Cependant, son rival, Albert l'Ours, à la mort du prince de Brandenburg-Pribislav en 1150, devenait maître de ce pays. Il le germanisait et achevait d'y faire pénétrer le christianisme en favorisant la propagande des prémontrés. L'archevêché de Havelberg se développait aussi grâce à lui. En dépit de l'anarchie qui signalait le règne de Conrad, le monde germanique s'étendait donc aux dépenses du monde slave. Les dernières années de Conrad furent encore troublées. Pendant la croisade, les princes s'étaient révoltés contre son fils Henri. Le comte Welf VI, allié de Roger de Sicile, travaillait à provoquer un grand soulèvement. Le retour du roi, mai 1149, ne rétablit point l'ordre. Welf continuait ses menées. Henri le Lion prenait les armes, revendiquait la Bavière. Lorsque Conrad III mourut, février 1152, il laissa l'Allemagne profondément désorganisée, le pouvoir royal sans force. Frédéric Barberousse. Rapidement, la situation devait changer. Conrad, à sa mort, n'avait plus qu'un fils de 8 ans. Il comprit qu'il devait renoncer à lui transmettre la royauté et recommanda aux électeurs son neveu, Frédéric de Souabe. Les princes allemands, réunis à Francfort, exercèrent leurs droits, car, dit Otto de Freisingen, c'est une loi de l'Empire romain que les rois y sont créés par l'élection des princes, non par la parenté. Mais ils suivirent le conseil de Conrad. L'évêque historien, qui était l'oncle du nouveau roi, ajoute que le désir de la paix les y décida. Deux familles entre toutes étaient alors illustres dans l'Empire, celle des Waiblingen et celle des Welf, accoutumés à fournir l'une des empereurs, l'autre des ducs puissants. Leur rivalité avait souvent troublé l'État. Mais par un dessein de la Providence, sous le règne de Henri V, le père de Frédéric, de la famille de Waiblingen, avait épousé la fille du duc Welf de Bavière. Les princes choisirent donc Frédéric non seulement à cause de son activité et de sa valeur, mais parce qu'il pouvait réconcilier en lui les deux familles ennemies. Encore jeune, il avait environ 30 ans, intelligent, ambitieux, Frédéric Barberousse, pendant 38 ans, allait agiter et dominer le monde. On peut dire de lui qu'il fut par excellence l'empereur allemand du Moyen-Âge, jaloux de réaliser toutes les conceptions, toutes les espérances que les hommes de ce temps attachaient à ce titre. vaillant chevalier et homme d'État, bien qu'il n'ait pas réussi dans toutes ses entreprises, son règne brille dans l'histoire d'un éclat que toutes les circonstances semblent contribuer à accroître. L'Allemagne du XIIe siècle s'éveille à une vie nouvelle. Les villes prospèrent, la poésie nationale naît et promptement s'épanouit. Si ce n'est point là l'œuvre même de Frédéric, il y a participé par sa vigueur à imposer l'ordre, par l'éclat chevaleresque de sa cour. Frédéric Barberousse a eu tout à la fois une politique royale et une politique impériale. Roi de l'Allemagne, il a voulu y établir une plus grande unité de gouvernement, mater les forces de la grande féodalité, en même temps qu'il réprimait les violences des petites seigneurs. Empereur, il s'est inspiré des traditions. Il s'est considéré comme l'héritier de Constantin, de Justinien, d'Otto, de Charlemagne. À peine élu, il écrivait au pape que son ambition était de restaurer dans son ancienne vigueur et excellence la grandeur de l'Empire romain. Et le chroniqueur Ragenwin dit aussi, « Pendant tout son règne, rien ne lui tint plus à cœur que de rétablir l'Empire de Rome tel qu'il était jadis. En poursuivant l'accomplissement de ses rêves, il montra souvent un esprit plus né et plus pratique que ses prédécesseurs germains. Ni Charlemagne ni Otto n'avaient connu exactement le droit impérial qu'ils invoquaient. Il n'en est pas de même de Frédéric. Les légistes, les docteurs de Bologne dont il s'entoure, à qui il demande la définition de son pouvoir, sont les interprètes de ce droit. Ils y vont chercher les maximes les plus favorables à l'autorité. Ils apprennent à l'empereur que sa volonté a force de loi, qu'il a non seulement la souveraineté, mais la propriété du monde. Armé de ces brefs axiomes, Frédéric les manie avec la même force et la même habileté que son épée. Brave comme Richard Cœur de Lion, parfois politique avisé comme Philippe Auguste, il fait déjà songer à Philippe le Bel par ses emprunts au droit romain, par les juristes sur lesquels il s'appuie. Mais tandis que les Capétiens appliquent leurs efforts à une œuvre bien déterminée, il est encore engagé dans les chimères du passé. Il s'ensuit que, s'il a réussi assez bien comme roi, il a plutôt échoué comme empereur. Malgré son opiniâtreté, ses répressions cruelles, il n'a pu avoir raison ni de la papauté ni des villes lombardes. En cherchant à servir l'Italie, il a surexcité en elle la passion de l'indépendance en même temps qu'il a rendu la papauté plus populaire. Fin de la section 11.